je n'ai rencontré que des mirages et des bandes de brume dans les nues. Je n'ai pas vu la belle, quelqu'un l'a-t-il aperçue? Je suis perdu sans elle. Regardez dans ma lunette, je ne trouve rien, pas même une miette de ce petit croissant lumineux qu'elle oublie parfois aux portes des cieux. Dans les nues, moi le guetteur de lune, je n'ai vu que mirage et que brume. Ça là. Wow. Bonsoir. Bonsoir, Madame la Lune. Bienvenue au paradis des rêveurs. Oh, quel grand honneur de vous compter parmi nous. Prenez place, Madame la Lune. Certains de nos voisins sont un peu en retard, mais soyez sûrs qu'ils nous rejoindront d'un instant à l'autre. Mais non, ils ne viendront pas. Chut. Pardonnez notre amie, elle ne connaît guère le programme des festivités. Qu'il fait sombre ici. Je croyais que j'étais invité à une fête. Et je n'entends que silence, je ne vois que ténèbres. C'est que nous vous attendions pour ouvrir le bal. Où sont les musiciens? Mais bien entendu, les voici. Raoul et Jules Pivert, musiciens de concert. Ça c'est bien dit. Allez Pivert, au boulot.